T'as vu comment je suis magnanime. Tu es vraiment gentil, Audrey, ce soir. Oui, j'ai passé une journée de merde, alors commence pas à m'énerver. Arrête de crier. D'abord, c'est marqué une nouvelle pancarte. On est dans le studio des pancartes. Il faut le savoir, sur campus, il y a des pancartes partout. Interdit de boire et de manger dans les studios. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pour l'hygiène, contre la saturation, ne pas enlever les filtres anti-pop. Oui. Et c'est marqué 03, ne 20 pas toucher. Et 1, c'est barré. Voilà. C'est 03, 62, 26, 89, 18. Pendant les plages musicales. Ne pas toucher au bouton casque invité, le bon éclage et la croix, sinon Larsen. Bonjour, comment vas-tu Larsen? Et puis il y a une nouvelle pancarte, c'est merci de parler à 15-20 cm du micro, ce à quoi je m'emploie actuellement. Alors j'ai oublié mon double décimètre. Oh zut alors, tu aurais dû me prévenir. Non mais c'est à peu près bon là. Et donc c'est Pyongyang qui tire au cœur numéro 296. L'intitulé la Kumba Bunga Bunga édition. Non, c'est faux, je m'inscris en faux. J'espère que j'aurai mon année, hein, parce que dis donc, c'est important de s'inscrire en faux. Ça coûte cher l'inscription en faux? Puisque je ne sais pas. D'ailleurs, c'est où les cours? Ça m'intéresse. C'est où quoi? Les cours. C'est dans les pâtures, là. Ah. Et puis ils laissent monter l'herbe, et puis après ça, tu fais de la faux. Ah ouais. Voilà, c'était à pouet-pouet, de soir. À boire et à manger. Voilà. De toute façon, tout ça, je n'ai rien à foutre. C'est mon classique de la semaine, vu qu'il n'y a pas de RIP, je l'ai dit sur le réseau social. Ariana Squay, si, anglais. C'était la semaine dernière le chanteur des Sanders, mais on en parlera plus tard. Oui, je l'ai fait la semaine dernière, ça. C'est vrai? Oui, tout à fait. T'avais qu'à écouter. Pour l'instant, vrai, de toute façon, I don't give a fuck. Voilà, et c'est les partisans. Oh là, non. D'accord. Dernière, j'étais tout seul. Et là, on est deux. C'est beaucoup. Tout seul à deux. Mais la semaine prochaine, il y aura plein de monde, tu verras. Ouais, donc ce soir, uniquement Audrey, Stéphane, la semaine prochaine, retour retour en fanfare de Célia, Thibaut, Jamo, Gaël, Vol, Peter, tous. Et puis peut-être des visiteurs, je sais pas, ça fait longtemps. Venu d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'invité. Ouais, ou alors venu de pas très loin. Ouais, non, mais chavo, quoi. D'ailleurs, en parlant d'invité, le prochain morceau, moi, j'aimerais bien le dédier à notre ami Loche, qui était parmi nous, ici même, approximativement à la même date l'année dernière. Et qui a eu un accident la semaine dernière qui va le mettre sur le banc de touche pendant un bon gros moment, je pense. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé. Il a KU d'un escabeau de 4m30. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Oui, au boulot, oui, c'est vrai. Il est chef rigueur, donc du coup, il est tombé de haut. Sans jeu de mots. Pour être rigueur. Pardon? Non, rien. T'as entendu cette blague? Il faut de la rigueur pour être en rigueur. Ça va être que des conneries comme ça la ce chaleur, soir. C'est ça pas va bien pour vraiment les vieux, pas voler haut, ta gueule. Vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 296 sur campus en 16,6 jusqu'à 21h. Ouais, bon courage les gens. Donc du coup, voilà, on pense fort à toi, Loche, bisous, caresses, mais pas fort pour pas faire trop mal, parce que voilà. Et donc le morceau que l'on t'adresse, on t'intitule, c'est d'un petit groupe sympathique qui s'appelle Zip Tie and Cuffs, qui veut dire menottes à fermeture éclair, et en fait ça ressemble à un double colson. Ouais, d'accord, c'est ce que les flics ils ont accroché à leur sac derrière. Là. Tout à fait. Des fois, il y a des copains, ils sont liés avec ça. Voilà. Ça, qui sert bien comme ça fait molle. Chicha. Ouais. D'accord. Et donc, Zip Tie and Cuffs, ils font du garage punk bien vénère, le morceau Mugwort, qui signifie armoise. Ouais. Artemisia Arvensis. Voilà. En latin. Ouais, en latin. Je suis désolé. Et donc, c'est le premier morceau de leur album, de leur premier album dit titre intitulé Sundream, sorti en 2014 et qui donne bien le ton de ce qui va suivre par la suite. Ça sonne comme un peu les barbecues californiens, même si j'ai jamais fait de barbecue californien, mais c'est bon. J'imagine c'est comme ça. Et c'est bon comme des patates. C'est bon les patates. T'aimes ça les patates? Oui, moi j'adore. Avec le Willy Waller 2006, tu vois. Oh, clairement, ce groupe vaut le coup de figurer dans ta playlist de ta pool party. D'ailleurs, si tu fais une pool party, je veux bien être invité, parce que j'aime beaucoup les pool parties. C'est dans la basse-cour. Coin-coin. Ouais, la semaine dernière, c'était coin-coin. Aujourd'hui, c'est cote-cote. Okay. Ils se sont formés en 2008 à Boston et ils ont orienté leur son vers Boston. À Boston, ouais. Oui, d'accord. C'est pas en Californie, Boston. Hein. Non, mais ils font du garage punk vraiment à la sauce californienne. Bon. Ouais. Et c'est un peu naïf, c'est très rafraîchissant. C'est sans grande, ils ont sans grande surprise, ils ont tourné avec Jacuzzi Boy. Oui, on reste dans la baignade. Je ne connais pas ce monsieur. Non, tu devrais, c'est bien Jacuzzi Boy. Together Panja, Fuzz, on en avait déjà parlé dans cette émission. Voilà. Ils ont 5 albums et quelques singles à leur actif. Et donc, je vous invite à écouter et à suivre ce groupe qui est fortement bon. C'était quoi ton test 1-2. Non, c'est pour dire que c'était quand même pas mal la fin là. C'est rafraîchissant. C'est pas fade out tout con quoi, tu vois. Bah non. Voilà. Autre chose qui n'est pas tout con et qui a commencé depuis 10 minutes. Donc on se presse d'aller au CCL 4 rue de Colmar, métropole des postes à Lille. En effet, il y a les Liégeois de When Birds Hunted Horses, l'incroyable, inoxydable. Et magnifique. Mais qui boit de l'eau. L'Archuma. Il boit pas que de l'eau, hein. Il boit aussi du jus de fruits. Mais des choses qui, en d'autres époques, oxyderaient, mais lui non. Donc l'Archuma, c'est du hip-hop rock, du hip-hop and roll de comptoir, qui disent. Sinon, les deux autres groupes, donc When Birds and Dorsies et Ghost Whale, font du sludge, drone, machin, enfin, tu sais... Quand on sait pas ce que c'est, ça tire en longueur. Sludge. Non, non, mais sinon, c'est vachement bien. Enfin, moi, c'est le genre de truc que j'adore. Oui, non, mais j'ai vu ton sourire narquois. Arrête de penser pour moi, sardonique, s'il te plaît. Sardonique, mon sourire dans mon carquois, j'arrive pas à me retourner, tu vois. Donc, pour ce sludge qui rentre dans les oreilles, bah, c'est à partir... À chaque fois, ça me fait penser... Arrêtez, tu sais, au fudge... Le fudge. Ouais, au fudge... Les petits bonbons caramel, là. Oui, ouais. C'est bon, ça. Bah oui, mais du coup, sludge, fudge. Le vrai sludge. Sinon, on peut en faire quoi même, c'est encore meilleur. Mais plein de beurre, plein de beurre. Une copine qui m'en avait fait. Et donc, pas de fudge, uniquement du sludge ce soir au CCL. Et donc, dont les Bruxellois de Ghost Whale, qu'on écoute maintenant pendant à peine 8 minutes. Voilà. Sur Campus Angéril 6, Ghost Whale avec Fungushima. Taisez-vous. Je ris, je parle pas. We'll be right back. ouais, ça tient à rien. Ouais, bah, tu vois, finalement, 8 minutes, c'est vite passé. Hein. Mais oui, c'est vite comme passé. Comme un moment de honte, si tu veux. vous écoutez Radio Campus 106,6, et puis DAB+, Canal 7C, et puis je sais plus canal quoi. Canal 7C. Ouais, enfin, canal, c'est pas un canal, c'est autre chose. Enfin, c'est 7C, en tout cas. Enfin, je sais 7C. Pas, ça s'appelle 7C. Mais je connais rien, j'y connais rien, la SNC, radio, je la radio. Que la radio numérique. Et c'était Ghostwell avec le titre Fungushima qui vont jouer là d'ici très peu de temps au Centre Culturel Libertaire. Oui, alors 4 rue de Colmar à Lille. Oui, voilà. Moi je vais trancher dans le vif là pour le Jack. Coup. Ouais, c'est bien. Avec Hatebreed. Oui. Oui. Oh, putain, là. Le trio infernal de concerts qui se profile là au Black Lab. Ah oui, oui, oui. Je salive. Ah oui, je salive. Ah bref. Ouais. Moi, j'aime pas trop ces trucs-là. Moi, j'aime bien. Bon, enfin. Moi, j'aime bien. Déjà, souvent, ils ont des voix de merde. Enfin, bon, voilà. Oh non, là, tu verras. Oh, non, après. Non, mais je connais. Là encore, Hatebreed, ça va à peu près. Il y en a d'autres, c'est bien pire. Ah, ouais, je suis d'accord. Tu parles pour qui? Des noms. Faisons-nous des amis. Ah non, après, ils vont me casser la gueule. T'as vu comment ils sont musclés? J'ai peur. Pas tous. Bon, allez, enchaîne, cool chaîne. Donc, Hatebreed, groupe de punk metalcore de Bridgeton dans le Connecticut. Connecticut. C'est vraiment, c'est. Ils sont de pas déconnectés, poule. Hein. Ah non, ils sont connectés. Bref. Donc, c'est bien la basse-cour ce soir. Ah, complètement. Eh ben voilà, j'ai trouvé le nom. Eux, ils Kodak. Sont formés en 94 et ils ont quand même bien influencé la scène hardcore new-yorkaise. Comme Agnostic Front, comme Promax et machin. On pourrait pas mettre des barbelés avec des miradors autour. Comme ça, ils sortent pas, je veux dire. C'est un truc à un moment. Alors, on va causer après. Hein, ouais. Hein, on va causer de tes idées, là, qui sont sympathiques, mais un peu étranges. Ah bah. On renifle un peu dans Hatebreed des influences à la Metallica, à Slayer ou Sepultura. Bah voilà. Et ouais. Le groupe est souvent crédité pour avoir lancé le genre metalcore en s'inspirant et mélangeant tous les sous-genres du punk, hardcore, heavy, metal, thrash metal, machin. Genre. Et donc tout ça dans les années 90, mais je crois que je l'ai déjà dit. Ouais. Et donc ils seront sur la scène du Black Lab la semaine prochaine, mardi très précisément, vous voyez. Et ce samedi, ils seront la tête d'affiche du Bataclan. Et l'affiche de samedi est on ne peut plus sexy avec Terror, Loot Blast, Crisis, Unearth et Sorcerer. Je ne peux pas y être, mais sinon je jouerais. Ouais. Sinon, j'aurais probablement fait un autre truc de barat. Ouais, mais non. Bref, Hatebreed, c'est un groupe qui pèse dans le game. Et la soirée va être prometteuse mardi prochain. Et j'ai très, très hâte. Je salive fort. Hatebreed, c'est une grosse machine. Une dizaine d'albums, 14 singles, les EP, des DVD. Le titre que j'ai choisi ce soir est tiré de l'album éponyme sorti en 2009 et qui existe également en single promo sorti uniquement en CD. Oui. Et les derniers albums sont sortis sur le gros label métal Nuclear Blast. Et donc, nous allons écouter... Ah oh, punaise. Eh ben ouais, quand je dis qu'il pèse dans le game, il pèse. Hein. Nous allons écouter In Ashes They Shall Rip. Ah bon, c'est à moi de peut-être c'est d'envoyer... C'est à toi de potariser, s'il te plaît, mon cher Stéphane. Potarisons. Potarisons, cote. Built to endure what this world throws at me. Ça se pose là quand même. Ah, ça se pose là, ça. Bon, ça... J'ai dit des vilaines choses. Là, la voix, ça va de Hatebreed. Hein. Mais à vous, tu kiffes ce morceau. Il est trop bien, ce morceau. Je kiffe à fond. Ce que je kiffe beaucoup plus, c'est le hardcore punk à l'ancienne, quasiment moulé à la louche. Quasimodo. Pour ainsi dire, Casimir, ouais. Il s'agit, et en plus de ça, quand il est originaire de Lille et que c'est un nouveau groupe, il s'agit de Mere Mortals, encore un groupe qui me fait bougrement penser à nos chers Six Feet Over des années 90, ouais, tu sais, Dunkerque, qui avait été, il cassait tout, hein, voilà. Et d'ailleurs, bah, c'est tant mieux, quoi, s'il y a des gens qui prennent la relève et puis qui s'inspirent ou alors qui font des trucs qui ressemblent, mais je dis, je sais bien. Leur premier EP 8 titres sort demain, 15 juin, en numérique. Il y a déjà deux titres qui sont disposés sur miremortals.bandcamp.com. On peut même précommander cette EP à prix libre, mais quand même un petit peu responsable, quoi. Filer un peu de sous au groupe, c'est pas mal. Et c'est à la même adresse. Je vous passe sans autre forme de procès les deux titres déjà disponibles de Mere Mortals. Ça vous apprendra et ça leur apprendra aussi. Et nous, ça nous apprendra de rechef. Voici donc premièrement War Evermore, suivi de Headache par Mere Mortals. PCR, une émission qui t'apprendra. De voir ces gens en concert, mais franchement, oui, là, moi aussi. Ah, ouais, bien. Il y a des gens qui ont déjà joué dans des trucs plus métal avant, et là, bah, ils sont revenus à des choses beaucoup plus sentimentales pour moi. Voilà, je vous bien. Radio Campus, et puis c'est l'émission Pyongyang, Steve Rockers, numéro 296. Oui. Alors, bon, on va changer un petit peu de style, on va arrêter de se faire engueuler, on va partir sur des choses un poil plus mélodiques, mais quand même avec les Bishop's Green qui se sont formés à Vancouver en 2011. Les influences sont assez diverses pour ces membres des groupes qui écoutent plein de choses. Ah oui. Je suis perdue là. Et donc du coup, grâce à eux, on a des morceaux assez riches et mélodiques dans un style plutôt street punk. Oui. Bon. Inspiré façon Bliss, Stiff Little Fingers, Cox Parer, Clashien, tout ça. Mais tenter un petit peu de hardcore quand même, façon Miller Street, parce que bon, on a notre fil rouge hein, aujourd'hui, on bunga bunga pas, mais on non, fil rouge hardcore. Quoi. Les Bishop Green, c'est cru, tu vois, ça te donne plein d'énergie, un peu comme le jambon. Et ce qui est bien, c'est que si t'es vegan, tu peux en manger. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? Du jambon vegan. Mais non, c'est comme du jambon cru. Tu vois, c'est cru, c'est comme du jambon. Le jambon cru vegan. Mais comme c'est vegan, parce que ça se mange pas. Bah, bref, je m'enfonce. Bref. C'est un peu une machine à tube aussi, oui. Bishop's Green. Que dis-je ? Une boîte à hymnes. Ça sonne un peu en concert, tu sais, comme le karaoké pour skin. On a déjà passé ici des paquets, plutôt, ah aussi, bah, je pense. Ouais, carrément. Moi, je suis très, très fan. Ouais, donc oui. Très très fan. Oui. Ils ont sorti deux albums dont le dernier date un peu, 2015. Et bah ouais, c'est ça fait. On attend la suite, mais j'ai cru entendre, mais bon, je ne dirai rien parce que j'ai pas. Gaël saura sûrement mieux que moi. Et ils ont sorti une foultitude de singles et EP sur Rebellion Records. Et donc, qu'ai-je choisi comme morceau, dis donc, ce soir ? Ça s'appelle We Got Nothing, parce qu'on n'a pas de jambon. N'importe quoi. J'en vois pas. Moi, j'ai faim, j'ai super faim, j'ai la dalle. Le modèle encore au-dessus, oh oui. Mais oui, bien sûr. Oui, non, mais, je dis Bishop's Green, c'est le modèle au-dessus. Mais oui, c'est tellement plus mieux, c'est la mieux musique. Tu vois. Voilà, avril 1979, il y a 44 ans et un peu plus. C'est l'époque où on ne faisait pas encore vraiment la différence entre punk et new wave dans la ville de Tampere, en Finlande. La ville de Tampura Tampere. Les quatre Librius de Kolla Kaste sortent leur troisième et dernier single nommé Kirjoituksia Kellarista. Kiriko. C'est-à-dire, en français, des trucs écrits dans une cave. Dans ce titre, un gamin rêveur et solitaire apprend à ses dépens qu'avant d'écrire le roman de sa propre vie, bah, il faut commencer par la vivre. Et ouais, c'est ça. C'est profond. Mais ce que d'ailleurs les membres de Kolla Kaste ont eu plus ou moins le temps de faire par après, ça dépend les uns, mais toujours en jouant de la musique pour des groupes punk comme Punk Le Rex Hockey, que tu connais quand même, j'espère. Il y a. Sinon, il y a eu aussi du rock avec Eppu Normaali, qui sont quand même assez connus quoi, dans le milieu. Même internationalement. Dans les caves. Et il y en a même qui ont fait l'expérimental avec Varaliset Lelot, que bien sûr, moi, je préfère. Donc, pour les quatre membres du groupe à l'époque, Kai Kivi, le chanteur, il est décédé le 10 juin 2007. Juha Helminen, le guitariste, est décédé le 10 mars 2013. Quant à Mikko Nevalainen, le batteur, et Jyrki Siukonen, Chanel, le bassiste, eux, ils vont bien, merci. Et ils continuent de faire de la musique. Bah oui, non mais voilà, je vous le dis, je donne des nouvelles. Je m'attendais pas à ça, putain, je m'attendais à la rubrique nécrologique complète, non, pas les quatre, ils sont morts. En plus, voilà. Je ne faisais pas de RIP. Voici donc ce Kyrian Kuxia, Kellarista, les écrits dans une cave, une petite fraîcheur pop lo-fi de la fin des 70s, Colla Caster. Tein listan kustantajista. Oh jee, nyt mä halusin tulla kuuluisaksi ja muuttaa elämäni vihdoin valoisaksi. Minä kirjoitin omaa kirjaa mun omasta elämästä. Kertomusta erään näytelmän pääosan esittäjästä. Minä kirjoitin omaa kirjaa mun omasta elämästä. Kaikki kustantajat sanoivat vain, että tässähän on selvä roska korin täytettä. Ei elämää kellarissa opita tuntemaan, vaan se täytyy tulla ulos kokemaan. Minä kirjoitin omaa kirjaa mun omasta elämästä, kertomusta erään näytelmän pääosan esittäjästä. Ah bah voilà. Ah bah, voilà. Ah bah voilà. J'ai écrit des trucs chelous. Oui, non, ils sont pas morts tous, enfin, non, je veux dire, ouais. Et puis ils en plus, donc finalement, on a trouvé un bon nom de genre pour ce Colla Caster, ce titre-là, en tout cas, c'est du soft power du pop. Du soft power pop. Voilà, c'est. C'est mignon, c'est, ça sent bon comme ton slip, c'est bien. J'en sais rien. Oui. Bad breeding. Et non, si on parlait oui, de. Bah, t'as vraiment été mal élevé, toi. Ah, ça va. Va dire ça à ma mère, tchat. Va dire ça. Va dire ça à ma mère. Ouais. Et donc, du coup, quand on parle de quand on parle de punk, il y a un peu. T'as deux catégories. Quand on parle de punk, on pense à ta mère. Non. Ah, non. On pourrait. Elle est assez punk, ma mère. La mienne, elle aimait bien d'être Kennedy's. Hein, donc, ouais, ouais. La tienne, elle est hyper punk. Bah, complètement. Elle est complètement punk. La mienne aussi, mais elle le sait pas. Elle est plein de trucs cool, mais elle le sait pas. Elle a pas conscience à quel point elle est fantastique. Bref. Quand on parle de musique punk, il y a deux catégories de groupes. Il y a ceux que t'écoutes au skatepark sous un soleil. Et ceux qui creusent. Et ceux qui creusent, exactement. Donc t'as ceux que t'écoutes au skatepark sous un soleil enjôleur, adouci par une petite brise câline qui s'insère comme ça dans ton Bermuda et qui te rafraîchit les pantalocks. Et puis, tu la vois l'image. Ah oui, pourquoi pas. Et puis il y a ceux que t'écoutes sous un soleil terni par une brume dégueulasse d'un matin qui ressemble un peu trop à tous les autres matins où t'as la gueule en vrac. Ouais. Et puis qui te donne un peu envie de dégueuler l'acidité de tes réflexions et les groupes que t'écoutes pour supporter la vérité de cette société en déclin qui mérite son putain de déclin. Putain, mais ouais, genre, j'étais philosophique aujourd'hui, ouais, toi. Ouais, ouais, ouais. Et bah, Bad Breeding, tu vois, font partie de cette catégorie, ceux qui creusent, là, tu vois. C'est pas du NoFX. Ça te réveille, ça te décrasse. Le son, il est bien dégueulasse comme on aime. Ça sature de partout. C'est ouais. Un petit peu... Ça nous fait un peu pas le même effet... un effet reptilien, on va dire. Ah bon ? Ouais, ouais, ouais. Ah oui, on pourrait décrire ce son, donc ils sont britanniques, ces jeunes, comme un peu du punk dans ta gueule. D'accord. 11 sorties entre 2014 et aujourd'hui, dont 4 albums. Et Bad Breeding, c'est un peu comme les petels, les quenelles, petits gens. C'est bon, mangez-en dans tes dents. C'est pas possible. Maintenant, on fait même de la pub dans cette émission, c'est pas possible. Ouais, mais qui se rappelle de cette pub? À part nous deux. Non, moi, je m'en souviens même pas, en fait. C'est vrai. Peut-être que je regardais déjà plus la télé à cette époque-là. Ouais, je sais pas, mais c'est vrai, c'est parce que je suis plus jeune. Je regardais, j'avais pas le choix. Et donc, j'ai choisi le morceau « Who's Cause » de Bad Breeding. Ouais, on se fait à la limite en trop engueulé là. Ouais, ouais. Bah oui, mais ça fait 40 ans que ça dure, c'est Scraps. C'est encore un extrait de leur futur prochain album qui va sortir, je ne sais pas, vers septembre. Album qui s'appelle On the Edge of the Abyss. Et ça apparaîtra vers la rentrée chez le label berlino-polonais Refuse Records. Le titre c'était Virtual Void. C'est quoi ça? Et ça cause des gens qui sont toujours dans leur téléphone. Suivez mon regard. Voilà, c'était Scrops. Ouais, bah oui, voilà. Bon, allez, enchaîne. Il est 20h45 sur l'antenne de Radio Campus, 106,6. Et pendant encore un quart d'heure à peine, c'est Pyongyang City Rockers numéro 296. Oui. Tu trouves aussi que j'ai un accent là? Oui, aussi. Voilà. J'adore changer de voix, tu vois. Tu devrais faire de la pub. Oui. Pour les quenelles de petits gens. Petits gens. Remplace Claire Nadeau, ça t'ira bien. Elle est morte, non, elle est pas morte. Je sais pas, non, je crois pas, elle est fort vieille, mais elle est pas morte. Ouais, bon, du coup, je peux faire de la pub aussi. Tu alors. Peux faire la pub, t'as l'âge de, qu'elle avait quand elle l'a faite, je pense, à mon avis. Et donc, du coup, Cool Chain, il enchaîne avec quoi? Avec Bad Brains. Oui, oui. On ne présente plus nos hardcore rastafariens préférés de Bad Brains, considérés comme les pionniers du punk hardcore, mais je pense qu'on ne peut pas se limiter qu'à ça, les concernant, hein, je trouve, parce qu'il y a tellement de fusion dans leur style, il y a tellement de trucs trop cool. Ils n'étaient pas du tout aimés à une époque, parce que quand même, ils avaient viré dans la spiritualité, alors que moi, j'adore la spiritualité. J'ai cru qu'il y a la spiruline. Il y a la spiritualité. Bah ouais, parce que dans les textes, il y a quand même mix vraiment entre, comment dire... critique sociopolitique et dévotion à Jaja, quoi. Ouais, mais de toute façon, tu avais quand même les deux membres du groupe, dont le chanteur et le bassiste, je crois, qui voulaient à la base faire que du reggae en l'honneur de Jaja. Je le donne à Jaja, tu vois. Et tu avais les autres qui disaient non, on va faire plus fort, plus vite. Merde, la bonnette. L'anti-pop. J'ai tapé l'anti-pop. C'est toi qui retire les filtres anti-pop à vous. Des fois, je ne maîtrise pas mes membres. Et donc à l'époque, faut pas oublier. La dernière fois qu'on m'a dit ça, j'étais tout nu. Là, tu l'as pas vu venir celle-là. Non, trop bien ce petit placement produit. Et donc, bon. Souviens-toi, à l'époque. Rappelle-toi, Barbara. Rappelle-toi, l'été dernier. Faut pas oublier que le hardcore tel qu'on le connaît aujourd'hui et que nous l'écoutons dans Pyongyang City Rockers n'existait pas. Pas encore. Bah, ils ont été à l'origine, quasiment. Ils faisaient partie de ceux qui ont posé les bases. Et tout à fait. Mmh. Et puis, à l'époque, les Ramones, les Clash et consorts, c'était vachement subversif, voire violent, à cette époque-là. Mais tu m'étonnes, ouais. Mais oui, alors qu'aujourd'hui, t'es là, tu fais « c'est pop ». Ça dépend, le premier album de Clash, ça va, quoi. Oui, mais... Le live des Ramones, ça va aussi, quoi. Tu sais, le double live. Mais c'est quand même pas ce qu'on écoute de plus violent, tu vois. Et donc, t'as quatre excellents icos qui arrivent et qui jouent à une vitesse excessive pour l'époque. ouais. En plus, un groupe composé exclusivement d'Afro-Américains. Ça détonnait un petit peu. Tu veux dire, ils sont ouais. Ah, ouais. Et donc, ça détonnait quand même pas mal dans une scène qui était quasi exclusivement blanche. Ouais, voyez. Vrai. Quand même. Donc, ils arrivent tels des ovnis. Aujourd'hui, ça nous paraît plus aussi subversif, si je puis y remercier. La scène est encore très, très quand même blanche ou blanchâtre. Oui. Enfin, oh, oui, on est aspiriné à fond, tu vois. Ravissome gif. Tu vois ? Voilà. Michuche transparente, translucide, couleur cadavérique un peu. C'est pour ça que j'ai mis des tatous, histoire qu'on me voit. Tatou. De tout. Et donc, l'histoire du groupe est quand même un petit peu complexe, avec des hauts et beaucoup de prises de tête entre les membres du groupe. Ils étaient en prison aussi. Oh ouais, non, mais il y a eu plein de trucs. Et je reviens, et je repars, et je t'aime, moi non plus. K1K, ça a tenu comme ça jusque 2015, je crois, à peu près. Hein, volo. Et le nom Bad Brains, ça vient d'où? Je sais pas. Et ben d'un titre des Ramones. Ah ben oui, c'est vrai. Mais oui, qui est pas trop mal. Ce titre de Ramones, c'est pas trop mal. C'est soft power pop punk, un peu, tu vois. Et donc, j'ai choisi le titre Sailing On, issu du donc c'est le premier titre du premier album culte éponyme de 1982. Elle jaune, là, avec l'éclair. Elle jaune. Ouais. C'est un vrai bonbon, mais j'aime bien. Bad Brains. When I'm moving on, they are. Bah voilà, non mais je suis surpris, il me fallait que je passe au moins un truc japonais. C'était... C'est vrai que ça fait longtemps que ça fait au moins deux émissions. Oui, Totsugeki Sensiya, qui signifie char d'assaut. Ça s'entend bien. Le titre c'était Reality. Enfin, peut-être c'est du japonais, j'ai pas trop bien compris. Et sur la pochette, il y a rien avec des trucs en idéogramme. Je suis contente que ma réalité soit pas tout à fait comme la leur. Ah non, mais moi j'adore. C'est moi le... Ouais, mais il vomisse beaucoup. Allez, quand il même. Il nous reste 8 minutes, là, les gars. Même pas 7. Allez, boum boum. Alors, on va enchaîner avec Deathlands. Pourquoi? C'est pas plutôt Deathlil? Non, Lens, c'est mieux. Et c'est un de mes groupes chouchous, et pas pour les couleurs. Ils ont fait un split avec mes autres chouchous des Frights, et ouvert pour mes encore autres chouchous de Together Panja. J'étais énormément de chouchous. Et donc, c'est un groupe à part entière de la Californgage. J'ai donc la scène garage californienne. Ouais, j'ai inventé un substantif parce que j'en parle tellement souvent que voilà, j'ai décidé que c'était la Californgage. Voilà. Ok. Fais ce qu'on veut quand même. Oui, bien sûr. Oui, on est en libertide. Mais que dites-vous ? C'est pas des conneries. Et donc, les composants essentiels d'un bon groupe de Californgage, qu'est-ce que c'est ? Ils sont réunis ici, guitare floue et mutilée, une basse épaisse, une batterie un peu lourde et pas que à porter. T'es obligé de secouer ta tête comme ça. Tu es de bang, mais de côté, pas d'avant en arrière, tu vois. Ah oui. Voilà. Et les voix rappellent un peu un petit Buddy Holly qui serait tout niqué au petit punch. Un peu bourré, tu vois. Ouais. Il faisait chaud quand j'ai fait cette chronique. Il faisait chaud et j'étais bourré. Oui, parce qu'avec deux verres hier, j'étais bourré. Voilà. Ouais. Ah oui, mais c'est ça aussi. Hier, il fait trop court. Il fait trop court, il n'est pas habitué. Donc, il m'en fout plus. Ces petits... Oh non, quand même pas. Si. Ces petits gars, ils existent depuis quand? Je vous le demande donc, mon petit monsieur. Depuis 2013. Mais par contre, mis à part un split avec les Frights, un EP sorti à leur début et un album l'année dernière, on peut dire qu'ils n'ont rien fait d'autre que des concerts. Mais c'est déjà pas mal, j'aimerais feignasse. Beaucoup. Un peu feignasse quand même, les gars, mais c'est vachement bien. Deathlands avec le titre Dream State. We'll be right back. Voilà, on commence comme on avait, on termine comme on avait commencé avec Partisan. Une fois n'est pas coutume, comme on dit dans les mauvaises radios. Donc vous êtes bien sur Radio Campus. Dans moins d'une minute, c'est JD avec Teeth Grinder qui revient. Puis après toutes les bonnes émissions, on y a rien, poète poète, soin soin. I don't give a fuck. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 297 de Pyongyang City Rockers. Oui, et en attendant, ma chère, nous on n'oublie pas que toutes les carottes sont beautiful. Oui.